Nager dans les eaux troubles des lendemains. Attendre ici la fin. Flotter dans l'air trop lourd du presque rien. Je n'ai trouvé de repos que dans la différence. Pourtant, je voudrais retrouver l'innocence. Mais rien n'a de sens et rien ne va. Tout est chaos. Tout est chaos.